Amen. Amen. Freude des Herrn ist immer unsere Kraft. La joie de l'Éternel est notre force. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Amen. Well, welcome in Jesus' name. Amen. Vous êtes les bienvenus au nom de Jésus. Amen. Amen. Today we quickly go through the few the message we have. Amen. Heute gehen wir durch die Botschaft, die wir für heute haben. Aujourd'hui, on va entrer dans le message que l'Éternel m'a donné de partager avec vous. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. Amen. Amen. Today we continue with our message. Heute geht es weiter mit unserer Botschaft. Aujourd'hui on continue avec notre message. The message of grace and love. Die Botschaft von Gnade und Gesetz. Le message de la grâce et de la loi. Amen. Today will just be this is over with Moses' law. Heute geht es darum, dass es vorbei ist mit dem Gesetz von Mose. Aujourd'hui, il s'agit que on va expliquer pourquoi la loi de Moïse c'est déjà de le passé, c'est derrière nous. For us. Für uns. Pour nous. Praise the Lord. Amen. Those that choose Christ. Die Christus wählen. Pour ceux qui choisissent le Christ. Amen. Mm-hmm. Those that will not reject him. Die Christus nicht verweigern. Pour ceux qui vont pas rejeter le Those Christ. That will not ignore him. Die nicht ignorieren. Pour ceux qui vont pas l'ignorer. That those that believe that he is everything for them. Die glauben, dass alles ist für sie. Qui pense que lui il est tout pour eux. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. It is over with Moses' law. Es ist vorbei mit dem mosaischen Gesetz. Mais c'est fini avec la loi de Moïse. Though Moses' law is still there. Auch wenn das Gesetz von Mose immer noch da ist. Malgré la loi de Moïse est toujours là. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Please take this grace and love message very serious. Bitte nimmt diese Botschaft very, very serious. Von Gnade und Gesetz sehr ernst. Et c'est pour cela que je vous en prie de prendre le message de la grâce et de la loi vraiment au sérieux. Because whatever you do, any of your thoughts or what you do, either grace or law. In all deine Gedanken sind entweder Gnade oder Gesetz. Parce que dans toutes tes pensées, tu es toujours avec tes pensées ou dans la loi et ou dans la grâce. Amen. Amen. It means either you. Or Christ. Du oder Christus. Donc il s'agit toujours de toi ou du Christ. Amen. Mm-hmm. Is it that the system of this world or Christ's system? Das System dieser Welt oder das System von Christus? Il s'agit du système de ce monde ou le système du Christ? Is it that the voice of man or the voice of Christ? The voice of man means you, or parents, or friends, or children, mm-hmm. or your job, your result, your report. They are all under the voice of man. Die Stimme der Menschen ist die Stimme deiner Arbeitskollegen, von deinem Chef oder von Leuten draußen oder auch die Stimme von deinem Bankkonto, die Stimme von deinem Portemonnaie, die Stimme von verschiedenen Dingen, von deinem Körper, ne? Donc la voix de l'être humain, du diable, c'est aussi ou bien ta propre voix, c'est aussi la voix de ce que tes collègues dit de toi, de ta carte bancaire, de ta santé, de tout ce que tu vois ou tu sens physiquement. Everything speak. Alles spricht. Donc tous ces trucs-là, toutes les choses sont en train de parler. The fig tree can speak, you know, could speak to Christ Jesus. Der Feigenbaum konnte zu Jesus sprechen. Speak. Alles spricht. Donc si le figuier était capable de parler à Jésus-Christ, ça signifie que toute chose est aussi capable de nous parler aujourd'hui. They all have their voice. Sie alle haben ihre Stimme. Chaque chose a sa propre voix. Amen. Amen. Remember Adam in Genesis 3. He chose to obey the voice of his wife. Adam hat in 1. Mose 3 sich entschieden, der Stimme seiner Frau zu gehorchen. Rappelle-toi, Adam, à Genèse, il s'était décidé d'obéir à la voix de sa femme. Amen. Amen. And Ananias and Sapphira chose to obey the voice of their money. Genauso wie Ananias und Sapphira Everything speak. Sich entschieden haben, der Stimme ihres Geldes zu gehorchen. Ja. Tout comme Ananias et Sapphira, eux deux, ils étaient décidés d'obéir à la voix de leur argent. Amen. Not other people's money, but their own money. Nicht das Geld von anderen, aber ihr eigenes Geld hat ihnen gesprochen. Donc c'était pas l'argent d'autrui qui les a parlé, mais c'est leur propre argent qui les a parlé. And they got the results. Und sie haben die Quittung bekommen, sie haben das Ergebnis bekommen. Et ils ont eu le résultat. Praise the Lord. Halleluja. Take grace and love message very seriously. Nimm die Gnade und Gesetz Botschaft bitte sehr sehr ernst. Tu dois prendre le message de la grâce et de la loi vraiment au sérieux. And learn to remain under grace. Und lernt unter der Gnade zu bleiben. Et apprends à rester sous la grâce. You must know when you are under law. Du musst wissen, wann du unter dem Gesetz bist. Tu dois savoir quand tu es sous la loi. Amen. It's like when the light is on and when the light is off. Wie wenn das Licht an und wenn das Licht aus ist. No, no, but. Das weißt du. C'est quand la lumière est allumée et la lumière est éteinte. Tu connais la différence. Once you are in darkness, what do you on the light? Wenn du in der Dunkelheit bist, was machst du? Du machst das Licht an. Quand tu es dans l'obscurité, qu'est-ce que tu fais? Tu allumes la lumière. Amen. Amen. To live, to go, to be under the law is so fast, so easy, so quick, because it's the system of this world also. Mm. Unter dem Gesetz zu sein, das geht so schnell, weil das ist wie, die Schwerkraft. We are born with it. Wir sind alle da reingeboren und sind daran gewöhnt. No? Und deswegen ist es so schwer, da rauszukommen. Donc pour être dans la loi, c'est pas difficile, c'est on est né à travers la loi, on est né à travers l'obscurité, c'est pour cela c'est pas difficile de faire le mal, d'être dans la loi. Praise the Lord. Amen. Amen. Amen. You don't need to teach or to learn to live under the law. Du musst nicht lernen oder jemandem beibringen, unter dem Gesetz zu leben. Tu dois apprendre à personne de vivre sous la loi. Under the law means yourself. Du selbst. It means people. Das bedeutet Menschen. Et quand je dis sous la loi, là je parle de toi-même, de tes vœux, des gens autour de toi. Amen. Amen. Even me, you to God. Auch deine Beziehung, also von dir zu Gott. Et même ce qui concerne toi, ta personnalité envers l'Éternel. You to God mean what you do for God. Von dir zu and Gott. Not what he did for was you. Du für ihn tust und nicht was für dich getan hat. Et quand je parle de toi envers le Christ, l'Éternel, là je parle de ce que quand tu es concentré à ce que toi tu peux faire pour l'Éternel et pas ce que lui il a déjà fait pour toi. Learn to remember and be fast to to your return to grace. Lernt euch daran zu erinnern. Holy Spirit is free. Schnell zurück zur Gnade zu gehen, weil da ist der Heilige Geist hat jetzt Platz zu wirken und zu arbeiten. Im Gesetz kann er das nicht. Tu vois, c'est pour cela c'est important d'apprendre de retourner ou d'apprendre de vivre à travers la grâce parce que c'est seulement là que le Saint-Esprit est capable de marcher. The Holy Spirit is the Spirit of grace. Der Heilige Geist ist der Geist der Gnade. Le Saint-Esprit est l'Esprit de la grâce. Praise the Lord. It's the Spirit of Christ and not the Spirit of Moses. Er ist der Geist von not the Christus Spirit of law. Und nicht der Geist von Mose, nicht der Geist vom Gesetz. Il est l'Esprit du Christ et n'est pas l'Esprit de Moïse et pas aussi l'Esprit de la loi. Let's go to Galatians 2. Galates 2. On va lire Galates 2. Verse 21. 21. Verset 21. Galatians 2, verse 21. Galates 2, verset 21. Amen. Before this, if you go to John 16, Jesus introduces, you know Jesus. Jesus. How many of you know Jesus? So ich kenne Jesus. Praise the Lord. Yeah. Amen. Praise the Lord. I have to ask, amen. How many of you? Amen. Amen. I can't even raise my leg. Yes. Oh my God. Amen. Not only hands. Like praise the Lord. Amen. Before Galatians 2, let's go to John 16, please. John 16. We are coming to Galatians 2. On part d'abord, avant de lire Galates 2, on va parler, on va lire Jean 16. Because of what I just said. Pour comprendre ce que je venais de dire. That the Holy Spirit is the Spirit of grace. Dass der Heilige Geist der Geist der Gnade. Le fait que le Saint-Esprit est l'Esprit de la grâce. Amen. Amen. If you add John 1, verse 17. We are not going there, but I just want to refer to this. Praise the Lord. Hallelujah. John 1:17 and then John 16. Johannes 1:17 und plus John 16. John 1:17 plus John 16. Wenn wir Johannes 1:17 mit Johannes 16 verbinden, si on connecte Jean 1:17 avec Jean 16. Amen. You will understand that the Holy Spirit is the Spirit of grace. Verstehen wir ganz schnell, dass der Heilige Geist der Geist der Gnade ist. On va comprendre que le Saint-Esprit c'est l'esprit de la grâce. When Jesus was about to leave, als Jesus kurz davor war zu gehen, avant que Jésus-Christ puisse nous quitter ici sur terre, in John 16, Johannes 16, dans Jean 16, from verse 5. À partir du verset 5. He said, but now I go my way to him that sent me, and none of you asked me, whither goest thou? But because I have said these things unto you, sorrow hath filled your heart. Nevertheless, I tell you the truth. It is expended for you that I go away. For if I go not away, the Comforter, the Holy Spirit. Amen. Amen. Donc il dit qu'il était vraiment important qu'il puisse partir pour que le Saint-Esprit le, puisse rester ici avec nous. The Comforter will not come unto you. But if I depart, I will send him unto you. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Until I leave, you cannot have him. Wenn ich aber hingehe, because it is me. Dann könnt ihr ihn haben, weil ich bin dieser Heilige Geist, ich bin er. Donc Jean 16, juste de 5 à 8, il dit que c'est vraiment évident qu'il puisse partir pour nous laisser le Saint-Esprit. And you know, John 14, we are not going there, but so door is so close. Amen. John 14, verse 6, he says, I am the way, the truth and the life. Remember that. Er sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Et là, il dit, Jean 1, il nous dit qu'il est 14. La vie. Hein? 14, pardon. Il dit qu'il est la vie, le chemin et la vérité. The way, the truth, and the life. Der Weg, die Wahrheit und das Leben. Le chemin, la vie et la vérité. And in verse 13 of John 16, look at it here. Und in Vers 13 von Johannes 16. Jean 16, verset 13. It's a habit when he, the spirit of truth, is come. You can see it's the same person. C'est la même personne. Et là, verset 13 dit quand viendra l'esprit de vérité. Et là, il parle toujours du Saint-Esprit. He will guide you into all truth. Er wird euch in alle Wahrheit einleiten. Et là, on comprend que le Saint-Esprit c'est la même personne de Jésus-Christ. Et il va nous conduire à la vérité. Praise the Lord. Alléluia. I thank the Lord for he opened our understanding to know all this. Ich danke dem Herrn, dass er unser Verständnis dafür geöffnet hat, um das alles zu erkennen. Je remercie l'Éternel parce qu'il nous a ouvert notre compréhension à être capable à comprendre tout ce que Amen. Je dis ici. Amen. You know, we were in a trader market yesterday, the open market, and we met a young man. You know, it's a Muslim. Amen. Wir waren auf dem Trödelmarkt gestern. Wir haben einen jungen Mann kennengelernt, einen Muslim. Hier, on était au marché et on a rencontré un garçon qui était musulman. He was one of those that are in charge of the market. Er war einer der Marktführer dort. Il était une personne qui était responsable du marché hier. Amen. You see, you know, you want to understand Christ with just his small brain. Aber er wollte versuchen, Christus zu verstehen mit seinem Verstand. Aber ein Verstand ist nutzlos, wenn es um Christus Jesus geht. Lui, il voulait comprendre l'Éternel avec sa propre compréhension, mais ta compréhension, c'est vraiment petit envers celui de l'Éternel. Tu peux pas lui comprendre. He said he cannot understand what we preach. He said we cannot understand it. That's why he cannot follow it. Er meinte, er kann nicht verstehen, was wir sagen, und deswegen kann er daran auch nicht glauben. It doesn't make sense. Es macht keinen Sinn. Il nous a dit que ce qu'on est en train de lui prêcher avec concernant l'Éternel, il n'est pas capable à le comprendre. C'est pour cela qu'il n'est pas capable aussi à suivre Jésus-Christ parce que ça n'a pas de sens. It is true. Well, everything of Christ does not make. Und das stimmt. Alles von Christus Jesus macht auch keinen Sinn. Et c'est vrai, tout ce qui est de Jésus-Christ, ça n'a pas de sens. Praise the Lord. Amen. Amen. Ah, everywhere in the Bible is telling us Christ Jesus is God. Hast du nicht gesagt, uns ist Christus Jesus Gottes? Aber sie können es nicht erkennen. Tout ce qui concerne Jésus, tout ce qui concerne la Bible nous fait voir que Jésus-Christ est l'Éternel, mais eux, ils sont pas capables de le comprendre. Amen. Amen. God the Father, God the Son, God the Holy Ghost. You can see it. He said the Spirit of Truth. He said, if I don't go, he will not come. He said, I am the way, the truth, and the life. Mm-hmm. Then he now said the Spirit of Truth. Mm-hmm. Look, you know. Praise the Lord. Er sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, und dann spricht er von dem Geist der Wahrheit. Mm. Il dit qu'il est la vie. Le chemin et la vérité, et puis il dit que c'est moi qui ai le chemin pour le Père. Praise the Lord. Je suis l'esprit de vérité. Je suis l'esprit de vérité. Amen. Amen. And very soon we will not today, but we'll go there. We'll study different ways how we are being loved. Sehr bald werden wir auch darüber sprechen, wie man gesetzt ist, wie man auf unterschiedliche Weisen gesetzt ist. Et bientôt on va voir, bon pas aujourd'hui, mais un autre jour, on va voir combien de chemins on a, à travers combien de chemins on a été dans la loi, sous la loi. Amen. Amen. If you believe you don't have a child, you are under the law. There are so many. I don't even know. Let me not start from. But don't say that one. Praise the Lord. Amen. No, no, if you believe you are barren, you don't have any child. You are under the law. Mm-hmm. There are so many. Mm-hmm. Are you getting it? Mm-hmm. It's connected that if you believe that, let me not go there. Okay, let us go to Galatians 3, please. Praise the Lord. Verschiedene Arten Gesetz zusammen, wenn man beispielsweise glaubt, dass man unfruchtbar ist oder andere Sachen von sich glaubt, dann ist man im Gesetz. Aber wie genau? Wie genau das der Fall ist, darauf werden wir in den nächsten Predigten in der Zukunft tiefer eingehen. Donc il y a vraiment beaucoup de chemins de être dans la loi, parce que personne ne se rend compte, parce que peut-être tu penses seulement que ben moi je suis pas capable d'avoir des enfants. Je suis stérile, quelque chose comme ça. Là, tu es déjà dans la loi. Et il y a vraiment beaucoup de chemins que l'être humain se trouve toujours dans la loi. Mais on va le comprendre un autre jour. On va y aller un autre jour. On va d'abord lire Galates 2. Amen. Verset 20. You know, through what you believe. 21. You are either under law, you are under grace. Durch das, was du glaubst, bist du entweder im Gesetz oder in der Gnade. À travers ce que tu crois, tu es ou dans la loi et ou dans la grâce. It might not even be related to any religion. It might not be related even to Christ. Es ist vielleicht noch nicht. But through any belief, anything you believe, you take decision of, you believe. You are either under grace or you are under law. Du bist entweder in der Gnade oder im Gesetz, auch wenn es sich direkt mit Jesus verknüpft ist, dein Gedanke, dennoch zeigt es, ob du in der Gnade wandelst oder im Gesetz wandelst. Dans tes pensées, chaque pensée que tu as, tu es toujours ou dans la loi ou dans la grâce, même si dans cette pensée, par exemple, tu ne connectes pas le Christ avec activement, mais la pensée en soi, ça peut être dans la grâce, sous la grâce ou sous la loi. Please get out of law. Bitte kommt raus aus dem Gesetz. Sortez de la loi, s'il vous plaît. To put you in bondage. Ça veut dire une Gefangenschaft bringen. Parce que ça va te mettre dans des captivités. You pity yourself, be ashamed of yourself. Du wirst dich selbst bemitleiden und dich vor dir selbst schämen. Tu auras honte de toi-même ou bien tu vas te voir inférieur. Amen. Mm-hmm. Under law means you see you. Unter dem Gesetz heißt, du siehst dich selbst. I said I'm not going there. Okay. Sous la loi, ça signifie que tu te vois toi-même. Verse 21, please. Galates 2, verset 21. I do not frustrate the grace of God. For if righteousness come by the law, then Christ is dead in vain. I do not frustrate the Holy Spirit. Ich verwerfe die Gnade Gottes nicht. Je refuse de rejeter la grâce de Dieu, en effet. Si c'est au moyen de la loi qu'on peut être rendu juste aux yeux de Dieu, alors le Christ est mort pour rien. Donc, oui. Ich verwerfe den Heiligen Geist nicht. Donc, je ne rejette pas le Saint-Esprit. The Holy Spirit is the Spirit of grace. Der Geist, der Geist der Gnade. Car le Saint-Esprit est l'Esprit de la grâce. He is a person. Er ist eine Person. Il est une personne. Amen. Amen. And that's why you can frustrate him. Deswegen kannst du ihn verwerfen. You cannot frustrate wind. Mm. He is not a wind that blows, you know, just kein Wind oder irgendeine Energie oder sonstiges. Er ist eine Person. Et c'est pour cela, tu peux le rejeter. Il n'est pas comme le vent, que le vent, tu pars à gauche, à droite, et puis tu ne sens pas. Mais il est, oui, il est une personne, il est l'esprit de la grâce, et tu es capable de le rejeter, quand on voit verset 21. Amen. Mm. He is, just like Papa just said, the next thing, he is the power of God. Er ist die Kraft Gottes. Il est la puissance de Dieu. He is the power of manifestation. Er ist die Kraft der Manifestation. Il est la puissance de la manifestation. If you frustrate him, he cannot manifest Christ in you and through you. Wenn du ihn verwehrst, dann kann er Christus nicht in dir und durch dich verwirklichen. Mm. Et si tu le rejettes, là il ne peut pas manifester le Christ en toi et à travers toi. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Amen. You're frustrating him. It's not by lying, stealing, and fornicating. It's not that. That's not how you frustrate him. Once you say no to Christ, you frustrate him. Und das Verwerfen ist nicht durch Lügen oder Stehlen, sondern indem wir Nein zu Jesus Christus sagen, so verwerfen wir ihn. Et tu rejettes pas l'Éternel quand tu es en train de dire le Saint-Esprit, quand tu commets un péché, ou bien tu mens, ou bien tu es en train de voler. Non, c'est quand tu dis non au Saint-Esprit, quand tu dis non au Christ lui-même. Amen. Amen. Christianity is about, you know, you don't lie, you don't steal, all these commandments. Amen. That's what you're after, amen. That's not how you frustrate the Holy Spirit. Im Christentum geht es immer um dieses Lügen und Stehlen und sonstiges, aber das ist nicht die Art und Weise, wie wir den Heiligen Geist verwerfen. Mm. Donc, dans le christianisme, il s'agit toujours de ne pas de suivre les 10 commandements, mais c'est pas la vérité dans le Christ. Pour le Saint-Esprit, c'est pas la manière laquelle tu es en train de rejeter le Saint-Esprit. John 16 said, sin is singular. Johannes 16 lesen wir, dass Sünde singular ist. Jean 16 nous fait voir que le péché est quelque chose singulier. It has been singular from the beginning. Und das war schon von Anfang an. Et il y a toujours eu un seul péché. Amen. You know, sin, praise the Lord. Amen. Amen. Amen. You know, if you look, go to Genesis, you see it. Yeah, it was just singular, just one sin. Adam, believe the opposition. Es war einfach, auch wenn wir das im ersten Mose sehen, es war Sünde singular, hat einfach Unglaube gehabt. Er hat nicht an das geglaubt, was Gott ihm gesagt hat. Même à Genèse, on peut voir que l'Éternel avait donné à Adam seulement un seul commandement, et c'était le seul péché qu'il avait eu, et ça, il n'était pas capable à le suivre. Again, in John 16, verse... Verse 8 and 9. Johannes 16, 8 und 9. Jean 16, verset 8 et 9. It says, when he is come, he will reprove the world of sin. Amen. Mm-hmm. Of righteousness and of judgment. Amen. These mm-hmm. three, they are very important. Diese drei sind sehr wichtig. Mm. Et quand il viendra, Jean 16, verset 8, et quand il viendra, il prouvera aux gens de ce monde leur erreur au sujet du péché. Amen. De la justice et du jugement. You can see these three today. These are three, eh? Et tu peux voir ces trois les éléments que je viens de lire. What religion calls sin, what they call righteousness, what they call judgment. Was religion, was religion Sünde nennt, was sie Gerechtigkeit nennen. Tu peux voir que la religion a sa propre définition de ces trois choses. La religion a sa propre définition concernant le péché, la justice et le jugement. He said it is through the power of the Holy Spirit we can know them. Er sagt, durch die Kraft des Heiligen Geistes können wir die Wahrheit erkennen. Sin. What he calls sin. Was what he calls righteousness. Was er Gerechtigkeit and what he calls judgment. Was er Gericht nennt. Mm. Mais Jean 16, 8 nous fait voir que c'est seulement le Saint-Esprit qui est capable à nous faire voir, à nous révéler le sujet du péché. Qu'est-ce qui est le péché, la justice et le jugement. You know, the Christian, well, before once you talk to them, you say, don't judge me. Right, judge. Christ, judge. Amen. Of judgment. You know, because, you know, once you are correcting them, telling them the truth, they see it as judgment. Mm. Wenn du ihnen die Wahrheit sagst und sie belehrst, dann sehen sie es als Urteil und wollen davor weglaufen. Tu vois, Jean 16, 8, ici, il nous dit que le Saint-Esprit qui va te faire voir, qui va te révéler au sujet de la justice, du jugement et du péché. Mais tu peux voir le christianisme aujourd'hui, dès que tu les parles, tu leur dis la vérité, ils vont te dire que, mais pourquoi tu me juges? Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. See, not in Romans 10. Let's go to put one finger here, please. You have 10 fingers. One finger. See, go to Romans 10. On va lire Romains 10. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. In Romans 10. Romains 10. Verse 3. Verset 3. Let's just read from verse 1 to 3. On va lire de 1 à 3. À 3. Oh, il vote fort. Amen. Amen. Jean 10, 1 à 4. Praise the Lord. Hallelujah. It says, brethren, my heart desire and prayer to God for Israel is that they might be saved. For I bear them record that they have a zeal of God, but not according to knowledge. Verse 3. Verset 3. Okay. But they be in ignorance of God's righteousness. You see that? The righteousness. De la justice. And going about to establish their own righteousness. That's what is everywhere today. Yeah. Um ihre eigene Gerechtigkeit aufzurichten. Mm. Das sehen wir heute überall. Mm. Donc, en effet, ils n'ont pas compris comment Dieu rend les hommes justes devant lui et ils ont cherché à établir leur propre façon d'être. Ainsi, ils ne sont pas soumis à l'œuvre solitaire de Dieu. And they refuse to submit. You see, said to submit to the righteousness of God. You say, have not submitted themselves unto the righteousness of God. Sie haben sich der Gerechtigkeit Gottes noch nicht unterworfen. Donc on voit qu'ils se sont pas soumis. Ils ont refusé à se soumettre sur la justice de l'Éternel. Verse 4. Yeah. For Christ is the end of the law for righteousness to everyone that believes. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Back to John 16, please. Johannes 16. Mm-hmm. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Jean 16. Verse 8 again. Johannes 16, 8. Verset 8. Jean 16, verset 8. He said, and when he is come, he will reprove the world of sin, and of righteousness, and of judgment. Of sin because they believe not on me. Is somebody getting it? Just singular, so simple. Singular. So they refuse. They just refuse to believe me. Sie haben sich geweigert, ihm zu glauben. Donc, tu vois ici, et quand il viendra, il prouvera aux gens de ce monde leur erreur au sujet du péché et de la justice et du jugement. Donc, tu vois qu'il y avait le. Oui, il parle seulement d'un seul péché. Amen. Amen. Don't frustrate the Holy Spirit. Verwerf den Heiligen Geist bitte nicht. Et verset 9, il dit, quand au péché, il réside en ceci, il ne croit pas en moi. Donc, c'est ça, c'est le seul péché quand tu ne crois pas à Jésus-Christ. Et c'est la manière laquelle tu es en train de frustrer ou de rejeter le Saint-Esprit. How? By seeing yourself. Wie, indem wir uns selbst sehen. Et comment tu le fais, c'est quand tu vois toi-même. Amen. Amen. Once you see yourself, it's no longer Christ. Then you frustrate him. Wenn du dich selbst siehst, ist es nicht mehr Christus und du verwirfst ihn. Et quand tu vois toi-même, tu te vois toi-même, tu te considères seulement toi-même, tu ne vois pas le Christ et c'est comme ça que tu rejettes aussi le Saint-Esprit. If you keep on seeing what they are doing to you, what they are doing to you, why not what they are doing to Christ? Wenn du immer wieder siehst, if you see what they are doing to Christ, you will love them and pray for them. Mm-hmm. But if you see what they are doing to you, you will hate them. Wenn du siehst, was sie Christus antust, wirst du sie lieben und für sie beten. Wenn du siehst, dass das, was sie tun, es dir angetan wird, dann wirst du sie hassen und dich sogar an ihnen rächen wollen. Et tu vois que si toi tu vois, tu considères seulement ce que les gens sont en train de te faire, tu vas être frustré et tu vas commencer à vouloir te venger toi-même. Et là, le Saint-Esprit ne peut rien faire. Mais si toi tu considères le Christ, ça c'est un autre résultat. Amen. Amen. If you see what Christ did for you, wenn du siehst, was Christus für dich getan hat, si tu vois ce que le Christ a fait pour toi, and if you to see whatever they are doing to you, und weigerst irgendwas zu sehen, was sie dir getan haben, et tu refuses de voir et de considérer ce que eux ils sont en train de te faire, bien oui, you lose the Holy Spirit to work for you. Dann gibst du dem Heiligen Geist die Möglichkeit für dich zu arbeiten. Dort ist er. Et là, tu es en train de... c'est là que tu permets le Saint-Esprit à travailler pour toi parce que là, si tu laisses que la vengeance appartienne à partir de là, tu laisses l'Éternel ou bien le Saint-Esprit se venger pour toi. Et ça, c'est plus ton problème en fait. We should be grateful to the Holy Spirit. Wir sollten dem Heiligen Geist dankbar sein. On doit vraiment être reconnaissant au Saint-Esprit. Because without him we cannot even remember Jesus. Et ohne ihn können wir uns manchmal nicht so erinnern. Parce que sans lui on peut même pas se rappeler au Saint-Esprit. That we can remember Jesus at all, what he did for us. It takes the power of the Holy Spirit. Erinnern können, was er für uns getan hat, das braucht die Kraft des Heiligen Geistes. On a vraiment besoin de la puissance du Saint-Esprit de se rappeler à Jésus-Christ ou bien à se le rappeler de ce que lui il a fait pour nous. Praise the Lord. Please stop frustrating the Holy Spirit. Hört bitte auf, den Heiligen Geist zu verwerfen. Arrêtez de rejeter le Saint-Esprit. Once you are sad, you frustrate him. Wir traurig sind, dann because once you are sad, it means you are you. Weil wenn du geht es dann um dich und es geht nicht mehr um Christus. Du bist dann nicht mehr Christus. Parce que quand tu es triste, par exemple, là tu vois qu'il s'agit de toi. Tu vois, là tu es en train de rejeter le Saint-Esprit, par exemple. Parce qu'il s'agit que de toi et il ne s'agit pas de ce que l'Éternel a fait pour toi. Parce que si tu le considères, tu n'as pas intérêt à être triste. Somebody got it. Praise the Lord. Again, it is over with the laws of Moses. For us. Es ist vorbei mit den Gesetzen von Moses für uns. Donc encore une fois, c'est fini pour nous avec la loi de Moïse. Amen. Moses' law was once the word of God. Das Gesetz von Moses no war einst das Wort Gottes. Though it is still the word of God. Auch wenn es immer noch das Wort Gottes ist. Malgré la loi de Moïse est toujours la parole de l'Éternel, mais elle n'est plus la parole de l'Éternel. Amen. Elle était une fois. You know, his word was once the word of God. Though it's no longer the word of God, though it's still the word of God. Sein Wort war das Wort Gottes, aber jetzt ist es nicht mehr das Wort Gottes, obwohl es immer noch das Wort Gottes ist. Donc, la loi de Moïse venait de l'Éternel. C'était une fois, elle fut la parole de l'Éternel, mais maintenant elle n'est plus la parole de l'Éternel, même si elle vient de l'Éternel. You know the word. Religious people will say we are confusing them. It's not. It is. Which one? Where are we? Et ce que je viens de dire maintenant, là, les gens religieux vont dire que ben c'est vraiment vous étiez en train de me confondre parce que tu disais que ça vient de l'Éternel, ça vient plus de l'Éternel, mais ça vient de lui. Donc c'est quoi ça? It's like First John. You remember First John? Yes, he said it's the commandment, the old, and he said it's not the old, but it's the old. We will go there later. Amen. Amen. That is what Christ called, you know, the law. Na, da sagt Jesus Christus auch, ich gebe euch ein neues Gebot, aber eigentlich ist es nicht neu, es ist eigentlich ein altes Gebot, aber es ist dann noch wieder neu und ne, das zeigt einfach, dass der Heilige Geist spricht. On va lire aussi après à 1 Jean, on va voir aussi, on va le lire après. Jésus-Christ, là aussi, il a dit que je vais vous donner un nouveau commandement, même si elle n'est même pas nouvelle, elle était ancienne, mais elle est nouvelle. Là aussi, c'est Jésus-Christ qui a dit ça, mais... On peut aussi dire que c'est aussi ça confond les gens, mais c'est la vérité, c'est le Saint-Esprit qui parle. Amen. Amen. We believe the word of God. Wir glauben an das Wort von Gott. On was hast du gesagt? Wir glauben an das Wort. On croit à la parole de l'Éternel. Amen. We believe the law. Wir glauben an das Gesetz. On croit à la loi. But we do not obey it. Aber wir befolgen es nicht. Mais on n'obéit pas à la loi. Because somebody fulfilled it. Amen. For us. Denn jemand hat es schon für uns erfüllt. Parce qu'il y a déjà quelqu'un qui l'a déjà accompli pour nous. That's Matthew 5. Amen. Matthieu 5 lisons. Et on le lit à Matthieu 5. He said he did not come to erase it. But he came to fulfill it. Er ist gekommen, um es auszuradieren. If you without him, you are still going to be there. Er ist gekommen, es auszuradieren, aber es ist immer noch da, aber ohne ihn bist du immer noch unter dem Gesetz und deswegen immer noch verurteilt. Donc il a dit que il n'est pas venu pour effacer ou bien pour abolir la loi, il est venu pour l'accomplir. Parce que si tu es sous la loi, tu vas rester en captivité, mais c'est avec lui que tu as tu es au-dessus de la loi. Matthew 5, verse 17. Matthieu 5, 17. Matthieu 5, verset 17. He said, think not that I am come to destroy the law. Praise the Lord. Amen. I did not come to destroy the law or the prophets. I am come to destroy... I am not come to destroy, but to fulfill. Amen. Il a dit que ne pensez pas que je suis venu pour supprimer et, la loi de Moïse et l'enseignement, mais je suis venu pour les pour leur donner tout leur sens. Donc je suis venu pour l'accomplir. He said the law and the prophets. Donc il a il a dit que la loi et les prophètes. Amen. Amen. Amen. Inside the son, the prophet is inside the son. Le prophète est in dem Sohn. Donc le prophète est dans le son, dans le fils. To be a prophet is just too small for you. Enfin, un prophète, ça, c'est too class. Le fait d'être un prophète, c'est quelque chose de plus très inférieur pour toi. Tu es plus qu'un prophète. Das dieser Titel ist sehr viele Titel unter der Sohnschaft. Very, very low. Amen. Amen. To be a son, you know, is so greater than to be a prophet. Als einfach nur ein Prophet zu sein. Le fait d'être un fils est si si grand que être un prophète. Amen. Don't see yourself as a prophet. See yourself as a son. Sehe dich nicht als ein Prophet, sondern sehe dich als ein Sohn. Amen. Ne te vois pas comme un prophète. Tu dois te voir comme un fils parce que le titre de prophète est si est très inférieur comparant à celui d'être un fils. As a son, if you see yourself as a prophet, you demote yourself. Wenn du dich als Sohn als ein Prophet siehst, dann stufst du dich sozusagen ab. Et quand tu es un fils, mais tu te vois comme un prophète, tu es tenté de te dégrader. Praise the Lord. Alléluia. A son is greater than any worker. Ein Sohn ist größer als jeder Arbeiter. Un fils est plus grand que chaque travailleur. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Again, we believe the law, but we do not obey it. Wir glauben an das Gesetz, aber wir erfüllen es nicht. Nous, dans la vérité, dans le royaume des cieux, Befolgen es nicht. Mm-hmm. On croit à la loi, mais on ne suit pas, on ne vit pas selon la loi. Because somebody paid the price. Weil jemand den Preis gezahlt hat. On ne suit pas la loi parce qu'il y a déjà quelqu'un qui a payé ce prix. All the laws, they don't belong to us any longer. Obwohl die Gesetze nicht mehr zu uns gehören. 1. Timotheus 1. Malgré tout, ces lois-là, ça ne nous appartient plus. Mais on va le lire à 1 Timothée. Praise the Lord. Alléluia. 1. Timothée 1. 1. Timotheus 1. Vers 8 à 9. 8 à 9. 1 Timothée 1, verset 8 à 9. 8 à 9. 8 à 9. But we know that the law is good. If a man uses it lawfully, we will not go into that today. Amen. Mm-hmm. That verse 9. Verse 9. Verset 9. Amen. That's where we are going to. Mm-hmm. Amen. We are going to deal with today. He said, knowing this, that the law is not made for a righteous man, but for the lawless and disobedient, for the ungodly, and for sinners. Remember, you are no longer sinners. Yeah. Amen. Yeah. For unholy, the Bible says you are created. Yeah. Amen. In holiness and in righteousness. Ihr seid in Heiligkeit und Gerechtigkeit erschaffen worden. On se rappelle, verset 9, on se rappelle en particulier que la loi n'est pas établie pour ceux qui se conduisent bien, mais pour les malfaiteurs et les rebelles, pour les méchants et les pécheurs. Pour les gens qui ne respectent ni Dieu, ni ce qui est saint. Et rappelle-toi, toi et moi aujourd'hui, nous ne sommes plus des pécheurs. Nous ne sommes plus des malfaiteurs et nous sommes maintenant saints et lui, il a déjà payé tous les prix pour nous. Yeah, you know, can see the quotation of the laws of Moses. Yeah, pour les assassins amen. Aussi. The quotation. Thou shalt not murder, thou shalt not kill. Mm. You see that? Mm. Amen. We are no longer. They don't belong to us any longer. Mm. The gehören nicht mehr zu uns. Donc les 10 commandements, ça c'est la loi, non parce que c'est la loi, ça nous appartient plus. Because we depend on who fulfill it. We believe who fulfill it. We accept and receive it. Wir verlassen uns auf den, der es erfüllt hat. Wir akzeptieren den, der es erfüllt hat. Und wir glauben an ihn. Nous, on ne vit pas on ne vit pas sous la loi parce que nous on dépend maintenant de la personne qui est venue à accomplir cette loi. On dépend de lui parce qu'il a déjà tout fait et c'est à lui qu'on se concentre. On se concentre plus à suivre ou bien à accomplir la loi. Non, on se dépend seulement de la personne qui a déjà accompli la loi. Praise the Lord. Hallelujah. He said the law is for the lawbreakers. What do you know? Who are the lawbreakers? The lawbreakers are not those that fornicate, that lie, that steal. Is somebody getting it? Das Gesetz ist für die Gesetzlosen. Die Gesetzlosen nicht die Töten, die rauben. Et on voit ici qu'il a dit que la loi est pour les malfaiteurs. Et qui sont les malfaiteurs et les rebelles? Ce sont les gens qui ont une mauvaise conduite. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. The lawbreakers are those that ignore and reject Christ Jesus. Die Gesetzlosen, die Jesus Christus verweigern, ignorieren. Donc les malfaiteurs, c'est pas seulement quand tu es en train de faire la fornication, ceci, cela. Non, c'est quand tu es en train d'ignorer le Christ. Là, tu es un malfaiteur. But the Christians will never believe that. Mais les chrétiens ne vont jamais zugeben. Mais les chrétiens ne vont jamais croire en ça. Ils vont dire que oui, mais quand tu fais la fornication, tu mens. Là, tu es un malfaiteur. Non. Tu es malfaiteur quand tu ne crois pas en Jésus-Christ. For them, it's all about the laws of Moses. It's only the Gesetze von Mose. Parce que eux, ils veulent toujours voir la loi de Moïse. The Holy Spirit can do nothing. Und der Heilige Geist kann dann nichts tun. Et quand tu es sous la loi, le Saint-Esprit peut rien faire. Because he is a gentleman, he does not force anyone. Weil er höflich ist und niemanden zu etwas zwingt, er ist kein Dämon. Et lui, le Saint-Esprit, il est vraiment un gentleman, il peut jamais, il va jamais forcer quelqu'un. Praise the Lord. Amen. Amen. Though we still make mistakes. Auch wenn wir immer noch Fehler machen. Malgré on fait beaucoup des fautes. Even what man and religion we call sin. Was der Mensch Religion sogar Sünde nennt. Et même ce que l'être humain et la religion appellent le péché. Because they believe that you know what they call sin is what make man a sinner. Weil sie glauben, das was Menschen Sünde nennen, macht sie zu Sündern. Parce que eux ils pensent que das, was der Mann, was der Mensch macht, macht sie zu Sünden. Aber ich pense que ce que l'être humain fait, c'est ce qui fait d'eux un pécheur. Amen. Praise the Lord. Also das, was die Menschen sündhaft nennen, wenn man das tut. Donc, ils considèrent seulement la définition de péché de l'être humain. Amen. Amen. What they call sin. That Sünden. Is what your attention is on. Darauf liegt ihre and they see it, and once you do it, then you call them, that is what they call sinner. Mm. They call you sinner. Sie sehen das, und wenn sie das sehen, nennen sie sich einen Sünder. Donc eux, ils ont leur définition du péché, et quand ils voient que quelqu'un est en train de faire ce que eux ils appellent le péché, et là ils t'appellent, ils disent que toi tu es un pécheur. Praise the Lord. Amen. Amen. Jesus never called us sinners. Jesus hat uns niemals Sünder genannt. Mais Jésus-Christ nous a jamais appelé des pécheurs. Amen. Then never see yourself as a sinner. Deswegen sieh dich selbst niemals als ein Sünder. Et c'est pour cela ne te vois aussi jamais comme un pécheur. It's dangerous. Das ist gefährlich. C'est vraiment dangereux. You open the door for Satan to come in. Du öffnest dem Satan die Tür reinzukommen. Parce que là tu ouvres la porte au diable de venir dans ta vie. Because sin, you know, death only kills sinners. Weil der Tod. Until you are a sinner, death cannot kill you. That was why when Jesus became sin, death was now able to kill him. Deswegen, als dann Jesus die ganze Sünde auf sich genommen hat und damit diese Sünde auf sich genommen hat und ein Sünder war, deswegen konnte der Tod ihn dann töten. Donc, si toi tu te considères comme un pécheur, le diable vient dans ta vie et vu que la mort peut seulement tuer un pécheur, là tu vas voir que le diable aussi aura aussi puissance sur toi, oui, sur toi. Parce que le diable, la mort n'a même pas pu tuer Jésus-Christ parce que Jésus-Christ n'était pas un pécheur. Amen. God hates sin, but he loves sinners. God hates Sünder, weil er liebt Sünder. Dieu déteste le péché, mais il aime les pécheurs. Are you getting it? Amen. Who know, when Jesus came, he had one problem, and that problem was he cannot die. Als Jesus gekommen ist, hatte ein Problem. A sinner, amen. Und dieses Problem war, dass er nicht sterben konnte, weil er kein Sünder war. Jésus-Christ, quand il était venu ici sur terre, il avait qu'un seul problème, et le problème était qu'il était immortel. Pourquoi il était immortel? Parce que la mort peut seulement tuer les pécheurs. Mais lui, il était une personne qui peut jamais pécher. Il était sans péché. And that's why he was able to pay the price. Und deswegen war er in der Lage, den Preis zu bezahlen. Et c'est la raison laquelle il était capable de payer nos péchés. There's no man on earth that is not a sinner. Kein Mensch auf Erden ist kein Sünder. Vu que ici sur terre, il y a personne qui est sans péché en fait. He's the only one that was born here and told this world that is not a sinner. Amen. Er war der einzige, der in diese Welt geboren wurde, so kein Sünder war. Jésus-Christ est la seule personne, la seule personne dans le monde entier qui a été mis au monde dans ce monde qui est né sans péché. And that's why he was qualified to pay the price. Deswegen war er qualifiziert, den Preis zu zahlen. Et c'est la raison laquelle il était qualifié à payer le prix. And he took all our sins. Und er hat all unsere Sünde genommen. Et il a emporté avec lui tous nos péchés. So that death can kill him. Damit der Tod ihn töten kann. Pour que la mort puisse le tuer. To fulfill the word of God. Mm-hmm. In Genesis. Amen. That said, if you disobey me, you will surely die. Mm-hmm. I don't know if you understand it. Gesetz zu because once God speaks, it becomes law and it must be fulfilled. Mm. Are you getting it? Mm. Once you become a sinner, death must surely kill you. Das Gesetz und dieses Gebot zu erfüllen, weil wenn du zum Sünder wirst, der Tod dich töten können, genauso wie Jesus Christus zur Sünde wurde und ihn deswegen der Tod töten konnte. Mm. Donc la Bible nous dit que en Genèse l'Éternel a dit que si toi tu désobéis à ma parole, tu vas sûrement mourir. C'est ce que l'Éternel avait dit à Adam. Et Jésus-Christ, vu qu'il n'avait pas de péché et nous on avait hérité les péchés de Adam, lui il a pris nos péchés en lui. Et c'est pour cela que la mort a pu le tuer pour accomplir la loi. Accomplir la parole de l'Éternel. You know, Jesus, without our sin, could have still been here on earth. Ohne unsere Sünde wäre Jesus Christus, könnte er immer noch hier auf Erden sein. Physisch. Sans nos péchés, Jésus-Christ pouvait être capable de rester encore ici sur terre. Amen. Sans nos péchés, parce que. After thousands, yes. Il allait être toujours ici avec nous physiquement. Because death cannot kill him. Because he was sinless. Parce que lui, il est immortel vu que il n'a pas de péché. Amen. And that's why you can see why death cannot kill us. That's why I say, if you eat me, you will not see death. Deswegen sagt er, wenn ihr mich isst, dann werdet ihr den Tod nicht sehen. Because here, we know it's change. There's a trickle. You know, when you after football, they some change their clothes. Amen. You give me your own, I give you. Exchange. We exchange. Yeah, there's a change. Yes. Genau wie beim Fußball, wo es einen Trikotwechsel gibt. Jesus Christus hat unsere Sünde angezogen und wir haben seine Gerechtigkeit angezogen. Wir haben ihn gegessen. Donc c'est pour cela, lui, il dit que si vous devez m'avoir, me manger le pain, que je suis le pain de la vie, parce que c'est à travers lui qu'on peut jamais mourir, on sera aussi immortel. Parce que lui, il était immortel et il s'est sacrifié pour nous, pour que nous, on puisse maintenant avoir la vie éternelle. Et c'est pour cela. Et donc il a changé le tricot. Donc on lui a donné notre tricot qui était vraiment sale, qui était sali, qui était noir là, et lui nous a donné son tricot vraiment pur et blanc. Et c'est pour cela nous aujourd'hui on est aussi immortel parce que on a mangé de son pain, on s'est revêti de lui. Praise the Lord. What made you a sinner is not based on what you do. Was dich zum Sünder macht, ist nicht deine eigenen Werke. Ce qui fait de toi un pécheur, c'est pas tes propres œuvres. But who you believe and obey. An wen du glaubst, wen du befolgst. Donc, ce qui fait de toi un pécheur, c'est la personne laquelle toi tu portes, tu crois, et tu la personne laquelle tu obéis. Amen. It's not based on your action. It's not based on the fruit. It's based on the root. The action. You know, you get it. What you do. You know, the people's, and that shall not this, that shall not, they are fruit. Are you getting it? Who you obey, Christ or Satan? That's the root. Wem du befolgst, das ist die Frucht, das ist die Wurzel, Satan oder Jesus Christus. Es geht nicht um die Frucht, ob du diese physischen Sachen machst, diese Sünde oder sonstiges, sondern es geht um, wem du befolgst am Ende des Tages. Donc il s'agit donc il s'agit pas de des fruits en fait. C'est que si tu as menti, si tu as volé, si tu as fait ceci, ça, ce sont des fruits. Non, il s'agit de la racine. Qui tu obéis, qui est la personne qui, oui, qui te fait, guide. Qui te guide en fait, oui, c'est ça. Amen. Again, what made you a sinner is not what, it's not based on what you do, but who you obey. Amen. Was ich zum Sünder mache, ist das, was... Okay, who you obey, just... Okay. Was sich zum Sünder macht, nicht das, was du tust, nicht die Sünde nicht tust, sondern wem du gehorchst. Mm. Ce qui fait de toi un pécheur, c'est pas ce que tu fais, mais c'est la personne laquelle tu qui tu obéis. We are inherited sin from Adam. Wir alle haben die Sünde von Adam geerbt. Nous tous on avait hérité le péché de Adam. You know, inheritance is automatic. Adam. Das ein Erbe. Est automatique. Donc un héritage passe, ça se passe automatiquement. Are you getting it? After the fall of Adam, nach dem Sündenfall, he gave birth to you and me. Hat uns geboren. Après la chute de l'homme, c'est Adam qui nous a fait naître, qui est notre ancêtre. Amen. I want to go there, you already know there. Amen. Genesis 5. Amen. On va lire Genèse 5 pour le confirmer. Verset 3. Amen. Verset 3. Genèse 5, verset 3. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. He gave birth to you and me because of the those that are listening also outside so that they can get it. Genesis 5. 1 Mose 5. Verset 3. Verset 3. Verset. Genèse 5, verset 3. And Adam lived 130 years and begot a son in his own likeness after his image and called him his name Seth. It is now, you know, he now gave birth to his own. No longer God's own. Sein eigenes geboren, nicht mehr das von Gott. Mm. À l'âge de 130 ans, Adam eut un fils qui lui ressemblait tout à fait. Donc, Adam a commencé à faire naître ses enfants à sa propre ressemblance. Pas, ce n'était plus la ressemblance de l'Éternel, mais c'était maintenant la ressemblance de Adam. Before the fall, it was God's image and his likeness. Genesis 1:26. Look at it there. Genèse 1, verset 26. Vor dem Sündenfall war es nach Gottes Ebenbild. And God said, let us make man in our image, after our likeness, and let them have dominion. You can see. They once, you know, Adam once had the image of God. But now, after the fall, everything's changed. Adam hatte einst das Ebenbild Gottes, aber nach dem Sündenfall hat sich alles verändert. Donc on voit à Genèse 1, verset 26 que l'Éternel a fait l'être humain à sa propre ressemblance. Mais après la chute de l'homme, on voit à Genèse 5, 3 qu'il engendra un fils à sa ressemblance. Donc c'était plus à l'image de l'Éternel, mais c'était à sa propre ressemblance. Yeah, became, they now have a change of everything. Change of name, change of the kingdom. Name. Das Königreich. No longer the kingdom of heaven, but the kingdom of this world. Gehört nicht mehr zum Königreich donc, des Himmels, sondern zum Königreich dieser Welt. Donc depuis la chute de l'homme, il y avait eu un changement total. Mais malgré que avec tes yeux, tu pouvais pas le voir, mais il y a eu spirituellement un changement total. Tu n'appartenais plus au royaume des cieux, mais au royaume de ce monde. Donc tout était un peu, c'était devenu bizarre en fait. They were kicked out of the kingdom of heaven. Wir wurden aus dem Königreich des Himmels verschlossen. L'Éternel les a chassés du royaume des cieux. Amen. After the fall, a change of a father. Nach dem Sündenfall gab es John 8, Johannes 8 lesen wir, wie Jesus zu ihnen sagt, euer Vater ist der Teufel, der Satan. Donc après la chute de l'homme, il y a eu même le changement de père. Avant c'était l'Éternel, mais maintenant c'était le diable, parce que même Jean 8, il nous dit que Jésus-Christ dit aux pharisiens, votre père qui est le diable. Amen. Mm-hmm. After the fall, a change of blood. No longer the supernatural blood. The blood of God. Now the blood of man. Wir hatten nicht mehr das übernatürliche Blut von Gott, sondern jetzt das Blut von Menschen. Donc après la chute de l'homme, il y avait même le changement du sang, parce qu'ils considéraient même plus le sang de l'éternel de Dieu, mais c'était maintenant le sang de l'être humain, vu que l'être humain était devenu pollué. Amen. Amen. After the fall, a change of the spirit. Nach dem Sündenfall eine Veränderung des Geistes. Il y a eu le changement de l'esprit. Amen. People's choice, action, reaction, we all change. Das, was Leute wählen, ihre Aktionen und Reaktionen, alles hat sich verändert. Donc, les réactions de l'être humain, les actions de l'être humain, leur choix, donc tout a été changé. That's why if people leave the kingdom of heaven, if they leave the ministry, this ministry. Before you know it, the action, everything changed. Mm-hmm. You can hardly know them. Mm-hmm. Sometimes when the altar, I met somebody sometimes just some weeks or months ago. You know how she speak. You know, can see everything change. Because somebody is out of the kingdom of heaven. Und genauso wie wir aus dem Königreich Gottes rausgehen, wird beispielsweise auch diese Gemeinde verlassen, du veränderst dich in allem, wie du sprichst, wie du redest, was du sagst. What you love, what you hate, what you value, everything. Alles verändert sich. Donc, c'est même quand je vois les gens qui étaient ici une fois dans cette église, qui ne sont plus dans cette église, comme ils ont eu un changement, ils sont vraiment en train de vivre dans la captivité de ce monde, tu vois, leur manière de parler, de ce qu'ils sont en train de valuer, tu vois, tout a changé. Amen. What man call good and what God call, what man call good and evil. Amen. What God called good and evil now changed. Amen. They changed before in the heart of man. What God called good and evil. We are now different. What you call love. What you call hate. What you call joy. What you call peace. Everything changed. Everybody. It affected everything. Es hat alles verändert, was der Mensch gut findet, was der Mensch schlecht findet, was er akzeptiert, was er nicht akzeptiert. Alles hat es geändert. Donc, tu vois que tout ce qu'il avait, il avait complètement changé. Le changement de l'esprit, de ce que leur comportement. Donc, tout a changé après la chute de l'homme. Amen. He affected the evil trees, animals. He affected them. Birds. He affected everything. Just because of one, just one sin. Auch verändert, ne? Nur wegen einer Sünde, wegen einem Ungehorsam. Tu vois, après la chute de l'homme, seulement à travers la décision d'une seule personne, une seule décision, ça a même jusque ça a affecté tout le monde, ça a affecté même la nature, ça a affecté les arbres, ça a affecté les plantes. Donc toute cette décision a affecté tout le monde. And this sin, no man never call it sin today. Even religion never call it sin. Diese Sünde, Religion nennt es noch nicht mal to Sünde. To disobey the voice of the only true God. Der Stimme des einzig wahrhaftigen Gottes nicht zu gehorchen. Sie sehen das nicht als Sünde an. Et ce péché, les gens et la religion n'appellent pas ça un péché. Amen. Le fait que Adam a désobéi à l'Éternel, c'était ça le seul péché, mais eux ils ne considèrent même pas ça. It's the laws of Moses that they call sin. Sind die Gesetze von Mose, das nennen sie das zu missachten, das nennen sie Sünde. Mais qu'est-ce qu'ils appellent aujourd'hui mais qu'est-ce que eux ils appellent aujourd'hui le péché? Eux maintenant ils appellent aujourd'hui seulement la loi, les 10 commandements. C'est ce que eux ils appellent le péché, mais ils ne parlent pas à la base qui était la désobéissance. Ça, ils ne considèrent plus ça comme le péché. They will not choose you when it comes to things. Sie werden dich nicht wählen, wenn es um Dinge geht. And don't be surprised, please. Und wundere dich nicht deswegen. Eux, ils vont jamais te choisir quand il s'agit des choses. Et là, tu ne dois pas être surprise. Except the Lord who wants you to be there, then. Except in the heaven, that's what I want. You understand me? Mm-hmm. Even you can see their choice. After the fall, they prefer Barnabas to Christ. Mm-hmm. Sie wollen, dass Barnabas freigelassen wird, aber dass Jesus gekreuzigt wird. Donc toi, tu vois, tu peux voir leur choix. Donc, eux, ils préfèrent, ils ont même, après la chute de l'homme, leur choix, c'était, ils ont même préféré Barnabas au lieu de Jésus-Christ. C'est comme ça que c'est en train de continuer. Praise the Lord. Amen. Amen. Amen. So also when we now come to Christ. Et c'est comme ça aussi quand on vient vers Jésus-Christ. Amen. Amen. Notice what I'm not saying here. I'm not saying when we come to religion. I said when we come to Christ. Je sage nicht, wenn wir zur Religion kommen, sondern wenn wir zu Christus kommen. Et moi je ne dis pas quand on vient vers la religion, je parle de quand on vient vers Christ. When we receive Christ Jesus as everything for us. Wenn wir Christus Jesus als alles für uns akzeptieren. Quand on reçoit Jésus-Christ comme notre tout. There's change in everything. Gibt es eine Veränderung in allem. Il y a eu un changement en tout. Remember 2 Corinthians 5:17. Erinnert euch an 2. Korinther 5:16. Rappelez-vous à 1 Corinthiens. En 2 Corinthiens. 2 Corinthiens 5. 2 Corinthiens 5. 2 Corinthiens 5, verset 17. Praise the Lord. Hallelujah. It's a therefore if any man be in Christ. 5:17. He is a new creature. All things are passed away. Behold, all things. I love you. All. Not some. Es neue geworden, nicht nur einiges. I become new. Amen. Aussi bien quiconque est en Christ est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voyez, tout est devenu nouveau. There's a place I also love you. He said, if any man be inside. Not outside. Mm-hmm. Inside Christ and not outside. Innerhalb von Christus und nicht außerhalb von Christus. Donc, si quelqu'un veut quelque chose en Christ, quiconque est en Christ, pas au dehors du Christ, qui est en Christ, c'est seulement quand tu es en Christ que tu es une nouvelle créature. Praise the Lord. Hallelujah. If you be of Christ. Du von Christus bist, si tu es du Christ. And not of religion. Du von religion. Pas de la religion. Hein. Amen. If you be of Christ and not of Moses. Wenn du von Christus bist und nicht von Mose. Si tu es du Christ et pas de Moïse. Amen. Amen. If you be of Christ and not of Moses and Christ. Wenn du von Christus bist und nicht von Moses and Christ. Si tu es en Christ, seulement en Christ, je ne dis pas si tu es en Christ et aussi de Moïse, de 10 commandements, si tu es moitié, non, seulement en Christ. Are you getting it? If you be in Christ, si tu es en Christ, amen, not just, not just him in you, also you in him. Nicht nur er in dir, sondern auch pas seulement toi en lui, mais lui aussi en toi. Not just him inside you, but also you inside him. Donc il ne s'agit pas seulement de dire que oui, je suis en Christ, j'appartiens à lui, mais lui aussi, il doit aussi être en toi. Amen. Amen. Remember once you see, he can come, if you allow him to come inside, he will come inside. And if you allow you to go inside him, it's both sides. Wenn du zulässt, dass er in dich hineinkommt, dann wird er in dir sein. Aber wenn du zulässt, dass du in ihm bist, wirst du auch in ihm sein. Du musst es zulassen, es ist freiwillig. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent que oui, j'ai le Christ, mais oui, est-ce que le Christ est en toi? C'est pour cela qu'il dit que tu es une nouvelle créature. S'il est en toi, c'est toi qui dois le permettre à être en toi ou bien lui, toi en lui.